vous êtes allé à l'école à Gauzet. Oui. Je suis à quel âge? À 4 ans et demi. Je me souviens encore de ma première journée. Allez-y. Je ne voulais pas. Parce que donc je suis déjà chez les sœurs. Et quand je me suis retrouvée enfermée comme ça, dans une classe, j'ai voulu sortir. J'ai voulu sortir, donc la porte est fermée à clé, donc j'ai essayé la fenêtre. Mais elle était trop haute.